façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand son mort Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. MC Solar with Nouveau Western, then Serge Gainsbourg with two songs, Bonnie and Clyde, featuring Brigitte Bardot, and Ford Mustang. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at FAHFMINN.org or on Facebook. Merci beaucoup. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Annie Blanchard with Le Long du Mississippi, Along the Mississippi River, featuring Willie Lamotte. Then Les Cowboys Fringants from Quebec with L'Amérique Pleure et America's Crying. And then Alain Souchon with Bidon, and it's a live version. And Bidon means like fake, not real. Un beau soir.

but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. It was Johnny Hallyday with Jésus-Christ, then Nicolas Perrac with So Far Away From LA, and Eddie Mitchell with Sur la route de Memphis. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Yves Simon with J'ai rêvé New York, I Dreamed of New York, then Gilbert Bécaud with L'Indien, or The Indian, and Joe Dassin with L'Amérique, the America, and all the dreams it represents. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne.

Pas qu'à New York en fin de journée que les larmes brillent courbées sur l'acier, à tailler des fringues pour un oui, un non, en plein Chinatown sous l'œil des néons. On nettoie les cuivres dans les arrières-salles en soufflant pour vivre une vie moins bancale que les taxis grooves, les amplis à fond, à fond sur le move. Hey Joe, Big Gorzon. Y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York. Y'a pas qu'à Broadway, sous la lumière crue, qu'on soupèse l'or et les filles nues, que la vie s'écroule au pied des gratte-ciels, qu'un siècle déboule sans faire de dentelle. Y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, pas qu'à New York. la nuit défile. Cette fille me plaît seule dans la ville. La note bleue, fumée qui rôde, cœurs assagis qui jouent des rôles. Pas qu'à New York, au fond de l'hiver, qu'on compte les morts, les love affairs, les arrière-cours abandonnés. Standard and pose, Paris lycée. Y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York. Y'a pas qu'à New York que j'aime en silence glisser des accords dans des mots qui dansent. Des alexandrins seuls avec Sandras, ouvert dans un coin comme un vieux comparse. Y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, pas qu'à New York. Je cours, la nuit défile. Elle me plaisait seule dans la ville. Pas qu'à New York, au creux de l'hiver, qu'on compte les morts, les love affairs. Y'a pas qu'à New York, y'a pas qu'à New York, pas qu'à New York. It was the band Telephone with New York avec toi, then Claude Nougaro with Nougat York, a play on word between his name and New York, and Bernard Lavillier with Y'a pas qu'à New York. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Akhenaton, who's one of the rappers from Marseille from the band I Am. And the name of the song we're going to listen to is L'Americano. And he covers the song, The Americano, but with original lyrics. Then we're going to listen to La Femme. And the name of the song is Nouvelle Orléans, New Orleans. And it's from the album Paradigms from 2021. And then we're going to listen to Mylène Farmer with California. Cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scarpetto, jeans larga, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutolo, ma che cazzo è quando mi parlo, dite con questo microfono, sti pazzi, mi sta via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di cama, di incise, vaffa di cama, mannaggia, capatore, mannaggia. Le baby napolitain fana, oui j'ai bouffé du poulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte. Quelque chose dans le sang parle tout bas. À Paris je suis perdu, en Sicile je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent, original dans le vent. Ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements. Interloquer les ignorants, gloussés comme des idiots. Ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait. Mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigret. J'ai ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux. Pour revoir l'américain. Tu veux faire l'américain? Pour revoir l'américano, américano, américano. Pour revoir l'américano, américano, américano. Tu veux faire l'américain? Pour revoir l'américano, américano, américano. Bye bye bye bye. Tout gosse déjà.

What's your message, Ed Gordon? Akhenaton with L'Americano, then La Femme, with Nouvelle-Orléans and Mylène Farmer with California. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Julien Doré with Miami or Miami. Then the Fat Badgers with A l'Américaine, the American way. And it's from their album Soul Train. It's pretty short. Elle aime les poils des bébés marmottants, le son de Stooges, l'Oregon. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Elle dit du mal de bataille et breton, cousu sur son cuir un dragon. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Des villages mormons, tête de saumon sur ceinturon. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Quand elle prend le large, l'horizon, entre chats sauvages, mauvais garçons, Mac de son tête, oh, Mac de son bête, oh. Elle aime les poils des bébés marmottons, le moulin rouge et mon luçon. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Elle broie du noir à chaque répétition, au dancing club des Oléron. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Oh my love, on danse le Madison, yeah. Quand elle prend le large, l'horizon, entre chats sauvages et mauvais garçons, Julien Doré with Miami from his album Bichon, then the Fat Badgers with A l'Américaine. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on Donate. Et voilà, c'est fini. À la prochaine. And stay tuned for the next show on KFAI and Mixcloud.